Une zone de rencontre est annoncée par ce panneau. C'est une zone où se côtoient piétons, cyclistes, automobilistes. Dans cet espace, les piétons sont prioritaires et n'ont pas l'obligation de circuler sur les trottoirs. Pour une cohabitation sécurisée entre les piétons et les véhicules motorisés, la vitesse est limitée à 20 km/h. D'ailleurs, pour favoriser l'usage de la bicyclette, les cyclistes peuvent être autorisés à circuler dans les deux sens des rues à sens unique. Ce panneau indique la sortie d'une zone de rencontre. Réponse A, B et C.